La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien, dernier épisode de La Malle de Sinbad à propos du café. On te retrouve pour en parler et là on va se diriger du côté de la Turquie et de l'Europe tout au long de l'émission. Tout à fait Manon, effectivement on va voir ensuite comment le café va devenir une boisson mondiale. Alors on nous dit souvent, ça fait un petit peu partie des légendes qui accompagnent le café, que les premiers vrais cafés seraient originaires de Turquie, souvent en avance le dernier quart du 15e siècle, 1475. Avec l'ouverture d'une brûlerie à Constantinople. Bon, il semblerait que, en fait, au début du XVIe siècle, le café soit encore inconnu à Constantinople, mais plus pour très longtemps. En effet, avec Selim Ier, donc le surnommé le Terrible, c'est un sultan ottoman extrêmement important parce que c'est lui qui va conquérir, après la grande victoire remportée par les armées ottomanes à la bataille de Gizeh en 1517. C'est lui qui va conquérir l'Égypte et qui va finalement donner une taille véritablement impériale à l'espace ottoman. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va rester donc après cette bataille un certain temps, 6 mois, en Égypte, au Caire, avec son armée. Et c'est lors de son séjour au Caire qu'il va découvrir le café, qu'il va ramener dans ses bagages à Constantinople. Alors, il va y avoir, on a vu ça effectivement, une controverse autour du café. Est-il un produit licite ou pas? Il faut quand même savoir que à Constantinople, eh bien, les oulémas, extrêmement pointilleux, vont en 1543 interdire le café au point de couler certains bateaux qui avaient des cargaisons de café dans le port de la ville. Donc, comme on en avait déjà un petit peu parlé, ça ne s'est pas fait sans mal. On retiendra la date de 1554 avec l'ouverture, de deux cafés, de kahvehane, dans un quartier de Constantinople, donc Tahtakale. Et ils vont connaître un succès immédiat, fulgurant. Et là, on aura au contraire, des établissements qui vont se singulariser par leur luxe, leur confort. On aura donc des sofas, des estrades, avec des discussions extrêmement, extrêmement libres, au point que certains ont pu considérer que ces kahvehane étaient des écoles du savoir, donc des espaces d'échange un petit peu à la manière finalement des salons, hein, si on essaye, toute proportion gardée, d'établir des parallèles avec ce que l'on peut connaître, mais on sait évidemment qu'en Europe, les cafés vont être aussi des lieux fréquentés par les intellectuels pour les échanges d'idées et les débats, bien entendu. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les cafés vont connaître un certain déclin, tout simplement parce que ils vont être concurrencés par un autre produit beaucoup moins cher, c'est le thé. Le thé apparaîtra sur le marché ottoman et il va être effectivement un concurrent plus que sérieux puisqu'il coûtera 4 fois moins cher. Et c'est cela qui expliquera relativement le déclin du café, même s'il restera, on va dire, un produit relativement prestigieux et luxueux. Il y a une citation de Pierre Loti qui est intéressante sur ces lieux. Quant à Pierre Loti, je cite Mireille Gaillet, dont un vieux café qu'il fréquentait porte aujourd'hui son nom, il s'extasiait sur ses cafés turcs, où le soir, même dans les plus modestes, se réunissent indifféremment les riches et les pauvres, les pachas et les hommes du peuple. Un érudit est là, qui déchiffre aux assistants les grimoires des feuilles du jour. Chacun écoute, avec silence et conviction. Rien de ces discussions bruyantes à l'al et l'absinthe, alors ici c'est ale, ici qu'il faut comprendre, qui sont d'usage dans nos estaminets de barrières, ont fait à Eyoub, c'est le lieu en question, de la politique avec sincérité et recueillement. Donc on voit effectivement des lieux très sérieux, des lieux effectivement où les idées sont exposées et débattues. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان ستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن وتجوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وتجوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار وتبقى بحار وتفيض دموعك أنهار وتكون بحار بحار وتفيض دموعك أنهار وتكون بحار بحار وتفيض دموعك أنهار وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار وتبوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وتجوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان سترجع يا ولدي مهزوما مكسورا الوجدان وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها Alors, et qu'en est-il du grand voisin des Ottomans, les Safavides ? Eh bien, effectivement, eux aussi vont connaître le café, vont connaître les délices du café, via notamment l'importation donc de cette boisson par les Hollandais qui en font le commerce. Alors, là encore, Ils savent reconnaître un certain nombre de propriétés médicales, puisque, à en lire un certain nombre de leurs auteurs, le café permet de lutter contre l'insomnie et l'anaphrodisie, c'est-à-dire l'absence d'appétit sexuel. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est que du point de vue de la chronologie, il semble que c'est sous le règne de deux grands chats, le premier Tahmasp Ier, qui règne de 1524 à 1576, mais surtout sous l'autre grand dynaste Shah Abbas Ier, qui va avoir un règne entre 1588 et 1629, que les premiers cafés vont être ouverts. Et là encore, souvenez-vous ce qu'on avait dit pour Istanbul, ce ne sont pas de petites échoppes, à la différence de ce que l'on avait en Égypte, mais au contraire, de grandes maisons. Vous avez de grands divans qui permettent aux clients donc d'assister confortablement, donc en étant juché dessus, au spectacle. Vous avez des conteurs qu'on appelle naqat, qui vont donc attirer le public, notamment par leur éloquence. Également des rhapsodes. Et ce sont en fait des lieux qui sont tout à fait sortis d'un conte de fées, un petit peu à l'image finalement de ce que l'on lira sous la plume des écrivains occidentaux qui visitent ces pays. Et au XVIIe siècle, eh bien, les nombreux kavehane seront ainsi présents non seulement dans la capitale, Isfahan, mais dans bien d'autres grandes villes. Toute hiérarchie mélangée, les persans viennent écouter conteurs et poètes, se distraire avec des jeux de tric-trac, d'échecs ou de jaquets, ou admirer les tableaux représentant saints, rois ou héros mythiques disposés sur les murs. Car les peintres, assis dans un coin de la salle, écoutent les conteurs, les représentent parfois et mettent les contes en images. Là, je cite de nouveau Mireille Gaillet, qui effectivement brosse un petit peu un tableau tout à fait saisissant de ces lieux, d'autant plus saisissant que ça va donner naissance à un genre pictural, la peinture des maisons de café. Et en fait, ces cafés vont accueillir de la danse, des pièces de théâtre et jouer, je reprends l'expression de cette même auteure tout à fait heureuse, ils vont jouer le rôle de maison de la culture. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Bien plus tard, au milieu du XIXe siècle, on constatera la même inversion entre le café et le thé, où c'est le thé qui prendra le dessus et l'emportera sur le café. Un mot peut-être du Maghreb. Au Maghreb, c'est l'influence ottomane qui va expliquer que dans les vilayettes que sont Tunis et Alger, le café va être tout à fait diffusé et répandu, alors qu'au Maroc, qui n'est pas sous contrôle ottoman, le thé restera la boisson dominante. Il nous reste peut-être un petit peu de temps pour expliquer, rapidement, comment le café est arrivé jusque chez nous, cette fois-ci. Alors, on a bien vu que les voyageurs avaient déjà rencontré ce produit. Ils en avaient parlé abondamment dans leurs relations, soulignant leur couleur noire, le goût amer, la saveur, un liquide extrêmement chaud, tout simplement parce qu'effectivement, ils l'ont croisé tout au cours de leur pérégrination. On le boit tout à petits traits de peur de se brûler, de sorte qu'étant dans un kahevane, on entend une assez plaisante musique de humerie. Alors ça, c'est un auteur, Thévenot, pour ne pas le citer, qui nous met un petit peu dans l'ambiance. Et très rapidement, le café va se propager en Occident. Premier café ouvert en Europe, vraisemblablement, c'est à Venise, 1645. Peut-être, un petit peu avant, dans d'autres régions de l'Italie. Ensuite, en Angleterre, 1650, à Oxford. En France, 1654, à Marseille. Il faudra attendre un petit peu plus pour Paris, 1672. En Hollande, 1670, Amsterdam, en Allemagne, à commencer par Brême, en 1673. Et là encore, ce seront des lieux donc tout à fait conviviaux, des lieux où il fait bon vivre, qui vont donc accueillir le produit et également une certaine sociabilité. Et on sait parfaitement quel rôle les cafés ont pu jouer également, on en avait déjà touché deux mots, dans les débats d'intellectuels qui, effectivement, verront un petit peu bouillir les idées, les futures idées révolutionnaires. Et pour nous quitter, peut-être, est-ce que je pourrais citer un titre d'un ouvrage qui me semble extrêmement intéressant parce qu'il, sur le mode de l'anecdote, il nous explique comment le café, d'un point de vue structurel, en est venu à remplacer des boissons comme les boissons alcoolisées pour accompagner le travail. Il faut bien se rendre compte que dans des sociétés très agricoles, on n'est pas, jugé à sa rentabilité horaire, il y a simplement des tâches à accomplir. Il y a à labourer un champ, il y a des moissons à effectuer et c'est tout. Et que cela soit fait en une journée ou en trois journées, finalement, ça n'est pas ça qui est déterminant. Donc, on n'est pas encore une fois mesuré à sa rentabilité horaire. Et au contraire, on a besoin d'un fortifiant, d'alcool, pour permettre d'accomplir ces efforts extrêmement violents lors notamment des travaux des champs. Au contraire, le café, lui, il va accompagner le développement du salariat où vous êtes payé à l'heure, où effectivement on attend de vous un rendement, non plus une tâche à faire, mais un rendement horaire. Et le café, finalement, va être la boisson par excellence. Et cet ouvrage qui nous montre un petit peu, au moyen de beaucoup d'anecdotes, tout le cheminement qui a vu le succès du café et de la caféine, son auteur, c'est Stuart Allen. Et le nom de l'ouvrage, c'est « The Devil's Cup », donc la tasse de café du diable. C'est un ouvrage qui a une quinzaine d'années et que je vous recommande très chaudement. Voilà. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir fait voyager en même temps que l'histoire du café. C'était la dernière émission de La Malle de Simbad sur le café et on se retrouve la semaine prochaine. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Ia te insod, io se che moni o vinze, er zen sodo na vrau, o vichat mi dis kerste. Ei, ei, ei, moro istogu, ai more me rethi, ine bukun shpesh, E kanë dridho sërbi I në pojë sa I radhe E I pushka e selmo O një të dridhi e shlat O vëtë e cjaro të shonit E se selmoni O më vravo një atë shko A e në gjako me shki, a I shketi o patron, a e pesa e zotit, jo more skaro në gjam, a ke pero shqipini, a I more po mërhake. I e dora e shkaut O që na jo pa di gri I e po merak Per non e per mo O tra po merak O per krejto do votra Ej, ej, ej, ty t'lu me dora O Selmano Kadiri I a kështu o po thot O more moro Shqipini I a djem si ti Ko Kosova prap Ej, prapo nërë shkije O do të